le 7-9 sur France Inter. François Morel, vous avez parlé pendant toute la pub, c'est à vous. Est-il possible de fumer à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur? Parce que si Julian Assange avait envie de s'en griller une, il serait plus prudent pour lui de le faire à l'intérieur des locaux diplomatiques que sur les trottoirs de Londres. Je soulève cette question parce que cette semaine, un syndicat de proviseurs en France a alerté le gouvernement afin que celui-ci prenne la décision d'autoriser les lycéens à fumer à l'intérieur des lycées plutôt que devant les lycées où ils pourraient être la cible des attentats terroristes. Pour l'instant, le gouvernement réserve sa réponse. Les proviseurs s'impatientent. Il faut, selon eux, que le gouvernement se prononce et prenne une décision rapide et circonstanciée. Pour l'instant, silence radio. Le gouvernement français n'a pas pris la peine de réunir un conseil extraordinaire pour apporter une réponse aux proviseurs concernant les adolescents fumeurs. À sa décharge en ce moment, il a quand même 2-3 trucs à régler. Dès que la menace terroriste se sera éloignée, dès que la courbe du chômage se sera inversée, dès que la crise agricole sera réglée, il pourra réfléchir et prendre les décisions qui s'imposent concernant cette fameuse question de la cigarette devant les lycées. Et puis, ce n'est pas si simple, on aimerait... pas du tout que des abrutis sanguinaires prennent pour cible des adolescents fumeurs en train de discuter tranquillement devant les grilles du lycée. Mais on a le droit aussi de ne pas trouver complètement formidable de banaliser le fait de fumer qui a certaines conséquences avérées sur la santé, si je ne me trompe pas. Vaut-il mieux être la cible des terroristes ou du cancer? Pour l'instant, le cancer en France tue plus que le terrorisme. Pour l'instant. Peut-être faut-il demander leurs avis aux lycéens. Il faut les consulter, il faut les responsabiliser. En début d'année, au moment où l'on fait remplir à chacun une fiche afin de connaître la profession des parents, le sport pratiqué et le cursus souhaité après le baccalauréat, on pourrait demander aux lycéens s'ils préfèrent mourir du terrorisme ou du cancer. C'est comme vous voulez, vous avez le choix. J'hésite, je me tâte un peu, l'un est plus expéditif, l'autre est plus lent. Est-ce que je peux réserver ma réponse? Fumer est depuis un petit moment interdit dans les lieux publics, ce qui fait que lorsqu'on regarde un film de Claude Sauté, on est tout de suite plongé dans une autre époque. Dans les cinémas, dans les théâtres, on n'a pas non plus le droit de fumer. Pour l'instant, les spectateurs acceptent à l'entracte d'aller fumer devant les théâtres. Les directeurs de théâtre feraient-ils preuve de plus d'autorité que les proviseurs de lycée? Dans l'enceinte des gares, il est également interdit de fumer. Mais qui prend le train régulièrement remarque que nombreux sont les contrôleurs SNCF qui vont griller une petite cibiche sur le quai dès que le train est à l'arrêt. La loi est faite pour être respectée et détournée quand on ne peut vraiment pas faire autrement. Si un jour le directeur de Radio France écrit au gouvernement pour qu'il autorise le personnel à fumer à l'intérieur des studios de la Maison Ronde, personnellement, je militerai contre. Voilà, Mathieu Gallet vous écoute. Mais il va vous répondre, merci. François Morel.